Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères, dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec promesse, afin qu'il te soit bien, et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous pères, n'irritez point vos enfants, mais nourrissez-les sous la discipline, et en leur donnant les instructions du Seigneur. Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ne les servant point seulement sous leurs yeux, comme cherchant à plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Servant avec affection le Seigneur, et non pas les hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, faites envers eux la même chose, et modérez les menaces, sachant que le Seigneur est d'eux et de vous êtes au ciel, et qu'il n'y a point en lui acception de personne. Au reste, mes frères, fortifiez-vous en notre Seigneur, et en la puissance de sa force. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les airs. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, et après avoir tout surmonté, demeurez fermes. Soyez donc fermes, ayant vos reins ceints de la vérité, et étant revêtus de la cuirasse de la justice, ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Prenant surtout le bouclier de la foi, par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priant en votre esprit par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, veillant à cela avec une entière persévérance, et priant pour tous les saints. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler en toute liberté, et avec hardiesse, pour donner à connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, quoique chargé de chaîne, afin, dis-je, que je parle librement, ainsi qu'il faut que je parle. Or, afin que vous aussi sachiez mon état, et ce que je fais, Tychique, notre frère bien-aimé, et fidèle ministre du Seigneur, vous fera savoir le tout. Car je vous l'ai envoyé tout express, afin que vous appreniez par lui quel est notre état, et qu'il console vos cœurs. Paix soit aux frères, et la charité avec la foi, de la part de Dieu le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté. Amen.